Quel est le virus le plus contagieux sur Terre? La grippe? Ebola? Non, c'est l'émotion. Ce virus, nous l'avons tous déjà attrapé et transmis. Comment cette contagion émotionnelle opère-t-elle? Quels sont ses effets sur nous? Êtes-vous toxique ou bénéfique pour votre entourage? Est-il possible de se décontaminer d'émotions destructrices? Et si le sort de l'humanité dépendait du phénomène de contagion émotionnelle? Vous le saurez en lisant La contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, un livre de Christophe Hague, des éditions Albin Michel.